j'ai de l'inspi, je mettrai pas la clé sous la porte. La mort me rappelle que je vis chaque jour un coup près sous la gorge. C'est de pire en pire, mes peines s'entrelacent. Ma naissance n'était en fait qu'un doigt dans l'engrenage. Je pose sur la mesure tout en la disséquant. À quoi bon sortir les violons si c'est pour pisser dedans? L'instru, je viens la désosser. J'ai des phases de génie, mais je doute qu'un jour mes vœux soient exaucés. Cette société a des allures de tour de Babel. Je suis plus un gosse pour rentrer dans leur foutu manège. Mon avenir prometteur ne donne pas signe de vie. Loin de moi l'envie de crier haut les cœurs. Chacun son lot d'épreuves. Aussi vrai que les commères aiment composer le numéro des keufs. Sache que le futur ne frappe pas dans l'humanitaire. Si une lueur d'espoir existe, qu'elle se manifeste. H.A.L. mauvaise crème. Détenteur d'un peu rare obscur. J'ai ouï dire que la faucheuse m'attend son poster. Un paratonnerre, je me fous de qui vais-je m'attirer les foudres. H.A.L. mauvaise crème. Détenteur d'un peu rare obscur. J'ai ouï dire que la faucheuse m'attend son poster. Un paratonnerre, je me fous de qui vais-je m'attirer les foudres. Garde un doigt dans l'engrenage, espérant de saboter le roulement. On se noie dans l'engrenage en essayant d'aborder le courant. J'attends le breuvage, à quand j'apprends, attends le sevrage. Prendre le large, à quand ma chance avant le naufrage. L'agent nous fera jamais fiance con, je pense qu'on lui fera jamais non plus. Mon enfance dans le fond, c'est en famille que j'avais mon but. Si tu savais ce qu'on suce, si les darons savaient ce qu'on fut. Même si gamin j'avais mon truc, les lendemains paraissent confus. C'est la paresse qu'on fuit, paraît qu'on n'a pas l'apparence qu'il faut. Et c'est pire avec ce qu'on fume, imagine la cadence qu'on suit. Et c'est jusqu'à ce qu'on se tue, vis-à-vis de moi ça sent le conflit. Et le coup du gras que je consume, petit à petit me lasse et ça se complique. Mes gars, ce qu'on fique à la feuille, écarte conduite à l'aveugle. Les stars bondissent à la fouille, c'est l'odeur tronchite à la beule. Les porcs font béton, suc à la mieux tard, t'as beau pépon, tu feras la queue, man. T'as trop joué le con, toi dans l'engrenage. Mon équipe, B-U-R-E-A-S-P. La concurrence, du gaz m'attire, les rois visage. Le rap, ça donne dehors, elle sale, dehors. Trop de mauvaises graines dans le jardin secret. Mon équipe, B-U-R-E-A-S-P. La concurrence, du gaz m'attire, les rois visage. Le rap, ça donne dehors, elle sale. Trop de mauvaises graines dans le jardin secret. Les perspectives sont dégueulasses, je suis essoufflé, je fais de l'as. Le rap me tire vers le bas, j'ai pas trouvé un bête de taf. J'ai l'impression d'être à part entre les tracas, les traquenards. J'ai voulu séduire la chance, aucune technique de drachmar. Y'a plus grand monde qui m'appelle, mais j'ai un beau téléphone. Je me comporte comme un bélier, vu qu'ils ont bloqué les portes. J'rappe pas pour sonner les cloches, j'ai plus aucun but. J'pose pas mes couilles sur la table, j'veux pas baisser mon calbut. Vitrice, y'a de quoi finir, alcoolique à l'épicerie. Les dés sont pipés, demande à Monica Lewinsky. J'galère à prendre le large, à paix dans un engrenage. Dans ma tête, c'est l'aquarium, je vais me noyer dans le H. J'ai du mal à marcher droit, j'ai pris de la bouteille. Car ta salade macédoine, j'évite la foutaise. Là, c'est dégage, pose pour ceux qui sont pas malléables. Ce spectacle s'arrête pas à croire que c'est le diable qui bat le cas. C'est quel du 9-1. Je viens pas briser la glace, mais plutôt la faire fondre. Je vais la prendre à mes pieds.